Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger. Le rendez-vous du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, avant la dernière en direct de la saison 2022-2023, la semaine prochaine. Dans l'émission de ce soir, pas mal de petites nouveautés, enfin petites nouveautés, des trucs encore bien maus, hein. On a les Norvégiens de Tudor, la One Man Band chinois de Dehumanizing It A Train Warship, groupe que je croyais complètement mort et enterré, les Suédois de Arson Project, les Texans de Creeping Death, et quelques autres encore. Voilà, donc l'émission de ce soir commence tout de suite avec la première doublette, les monstres américains de Cattle Decapitation, le groupe de Death Metal californien, est tellement plus encore que juste Death Metal, qui vient de nous pondre encore un monstrueux effort studio. C'est le 10e, hein, en presque 30 ans de carrière pour Cattle Decapitation. Le nouvel album s'intitule Terrazite, on s'écoutera utiliser Insignificant. Et en doublette, première nouveauté dans l'émission de ce soir, les Norvégiens donc de Tudor, le groupe de Black qui nous sort le titre, l'album Elvegre, sur le label français Season of Mist. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tudor? Voilà, ça se revendique de la seconde vague du true black metal norvégien, formé au début des années 90. Voilà, Tudor va sortir là son sixième effort studio. 8 ans séparent les deux dernières sorties studio. C'est hargneux, c'est agressif, c'est typiquement dans le black norvégien, on va dire. Au niveau du line-up, petite entrée récente, l'américain John Rice, donc on n'est pas sur un groupe 100% norvégien en plus, John Rice au passage, qui a été le frappeur de Job for a Cowboy entre 2007 et 2013, voilà, qui vient là taper dans un groupe de black norvégien. Les présentations sont faites pour la première doublette de ce soir, Cattle Decapitation on l'a déjà dit, Tudor on s'écoute le morceau Iron Beast, le texte une avant-première, parce que l'album ne sortira que le 23 juin. C'est parti, bienvenue à toutes dans l'émission de ce soir. We'll be right back. On a encore beaucoup de formations américaines dans l'émission de ce soir. C'est pour ça que, sans trop de surprise, la doublette suivante est une doublette 100% Riken. À noter encore cependant l'intégration d'une nouveauté. On a tout d'abord Incendiary, l'excellent groupe de hardcore crossover, hein, qui sort là. La formation new-yorkaise affiche 15 ans d'existence. Voilà, 10 titres pour une trentaine de minutes d'un voilà vraiment New York hardcore très typé 90. Les titres hyper colériques et engagés, les types aussi d'ailleurs, pour des compos qui tournent entre 2 et 3 minutes. Et en doublette, la formation venue du Texas, Creeping Death. On est sur un groupe de death avec des éléments hardcore. En plus, voilà, comme disait, ça vient du Texas, c'est un petit peu la tendance. Le groupe est actif depuis un petit peu moins de 10 ans et on est vraiment dans cette vague de death hardcore venue des US. On a énormément de qualité. La sauce notamment pour les fers de lance Gate Creeper, Spin Breaker, etc. C'est brutal, c'est groovy, c'est un petit peu rampant même sur le fond. Et un seul guest vocal sur l'album, c'est d'ailleurs le morceau qu'on va s'écouter ce soir, un certain George Fisher Corpse Grinder. Voilà, c'est vrai que cette année on l'avait pas encore eu en feat sur un album, hein. Le mec il a jamais fait ça pendant plus de 20 ans. Et là on ne l'arrête plus, en même temps c'est toujours des feats de qualité. Donc voilà, ça permet de situer un petit peu le niveau de violence de la musique de Creeping Death, et pas Creeping Fear. Incendiary, Host Parasite, extrait de l'album Shine the Way You Think About Pain. Creeping Death ensuite, Intestinal Wrap, extrait de l'album Boundless Domain. C'est parti! We will break. La doublette suivante des États-Unis à l'Allemagne, parce qu'on va s'écouter un morceau de Metal Church, un morceau de Toolkandra. Tout d'abord, Metal Church, voilà, des vétérans de la scène ricaine en termes de heavy power à tendance thrash. Voilà, 13e effort studio. Voilà, le groupe existe depuis le début des années 80. Et en doublette, Toolkandra, la formation de Dissection Melodic Swedish Black Death, actif depuis une vingtaine d'années. Voilà, c'est vraiment Dissection Legacy, ce que nous propose Toolkandra. C'est très bien pensé, très bien exécuté, c'est violent, mélancolique et épique à la fois. Voilà, Toolkandra vraiment toujours dans l'ombre de Dissection, mais voilà. Année après année, le groupe continue de persévérer, de nous sortir toujours des albums très qualitatifs, donc on va pas bouder notre plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Metal Church, Another Judgment Day, le titre qu'on va s'écouter, extrait d'album Congregation of Annihilation. Toolkandra Trick, ensuite On the Wings of Cosmic Fire, extrait d'album Hail the Abyss. C'est parti! Fine. Pour le coup, la doublette suivante est une doublette européenne. Legend of the Damned, Mind War, ensuite Legend of the Damned tout d'abord. Vieux groupe de trash death qui nous vient de Hollande. Legend of the Damned, c'est un groupe qui a jamais vraiment percé, hein, c'est toujours à naviguer entre deux eaux, même s'il y a une bonne douzaine d'années, les albums étaient ultra qualitatifs. Là, bon, ça tourne un petit peu en rond. Mais bon, ça reste efficace malgré tout, Legend of the Damned. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah voilà, ce nouvel effort studio, c'est le 8ème, il voit le jour chez Napalm Records. Et en doublette, nous aurons les Belges Agacés de Mind War, le groupe de hardcore qui nous sort là son premier effort studio longue durée. Une sortie sur label Ricain, voilà, l'ombre des US n'est jamais très loin. Triple B Records. Voilà, une trentaine de minutes d'un hardcore qui lorgne un petit peu vers le trash crossover à la sauce Power Trip, c'est bien old school, puis les breaks sont ultra efficaces et vénères. Legend of the Damned, le morceau Contamination, extrait de l'album The Poison Calice. Mind War, The Decree, extrait de l'album Still at War. C'est parti. I will enjoy killing one person every day. Excruciating ways. I La suite, Fifth Angel, une autre nouveauté dans l'émission de ce soir. Fifth Angel, c'est du Heavy Power ricain. Ça nous vient des ricains, oui. Voilà, j'ai pas de mes notes. Qui nous vient de Washington. Le groupe a d'abord été actif dans les années 80. Deux albums qui ont vu le jour dans la deuxième période, entre 86 et 89. Puis il y a eu Split et reformation il y a une douzaine d'années, en 2010, à la demande. Véritable reformation en 2017. Le troisième album a vu le jour en 2018. Au passage, un petit deal signé chez Nuclear Blast. Et voilà le quatrième album, toujours sur le label Nuclear Blast. Qu'est-ce qu'on a dedans ? 14 titres d'un heavy power américain au sens large. Des trucs un peu plus hard rock, des trucs un peu plus trash. Qu'est-ce qu'on peut dire même au niveau du line-up ? Eh bien, on a deux membres qui évoluent dans Flotsam et Jetsam. C'est catchy, mélodique, ça reste, donc comme je disais déjà, très américain. C'est un peu plus souple même qu'un Metal Church, pour situer un peu. Quelque chose qui est absolument pas souple. Bug-in, ensuite, autre formation américaine, là on est sur du hardcore, mené par une femme, ça nous vient de Chicago, active depuis une demi-douzaine d'années. Une signature sur le label Flatspot Records, voilà, qui a récemment sorti les albums de Zulu, Speed et autres End It. 12 titres voilà, qui font suite à une démo et un EP, c'est ultra vénère, c'est très engagé, et Bug-in c'est dévastateur, et j'ai bien hâte de les voir à la fin du mois dans le cadre du Super Bowl of Hardcore à Rennes. Fifth Angel, When Angel Kills, extrait de l'album When Angel Kill. Bug-in ensuite, Concrete Cowboys, extrait de l'album Concrete Cowboys, c'est parti. Anyone? Vous êtes toujours à l'écoute d'Elmanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque tout de suite maintenant l'aspect française avec une ouverture black metalisante, on va dire, avec tout d'abord un excellent effort studio de Miasme. Cette formation assez récente qui compte dans ses rangs beaucoup de vétérans cependant. Voilà, le groupe s'est formé en 2021, un premier EP est sorti rapidement en 2022 chez les Acteurs de l'Ombre. Toujours chez les acteurs, ils viennent de sortir leur premier effort studio longue durée, donc un petit trio qui compte dans ses rangs des ex Como Muertos et autres Ritualization. 9 titres d'un black metal presque rao, un peu crado punk même dans le style. C'est sale, c'est virulent, c'est chanté en français et ça fait super bien le taf, Miasme. On se surprend à s'envoyer l'album et bim, tout passe d'un coup. Et on a apprécié énormément de choses au long de cet album, extrêmement riche, somme toute. Ensuite, nous aurons une nouveauté dans l'aspect française. Guru, G-U-R-U, j'imagine que ça se prononce comme ça et pas Guru, à moins que je ne me trompe. Groupe qui nous vient de l'Ouest français, actif depuis 2020, récente formation. Donc, ils sortent là leur premier véritable album, après un EP qui a vu le jour en 2020, donc l'année de leur création. Le seul véritable membre connu du groupe n'est autre que le vocaliste guitariste des chants de Nihil, le fameux Jerry. Voilà, dans Guru, on retrouve quoi ? Du black et du doom. Les compos sont longues et généreuses, hein. 4 morceaux qui font entre 7 et 10 minutes, donc. Doom blackisant, parfois violent, parfois épique et ritualiste, c'est hyper soigné. On peut rapprocher ça d'un crossover entre Primordial et Urfaust, avec également un grand panel vocal signé Jerry. Voilà. C'est dans ces inspirations-là qu'on peut placer Guru, avec cependant déjà une belle personnalité qui s'en dégage musicalement parlant. On va s'écouter tout de suite le morceau Peste de Miasme, extrait de l'album Répugnance. Guru ensuite, In the Crimson Smoke, extrait de l'album Nova Lux. C'est parti.